إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. أحبتي الكرام، نستأنف بإذن الله في هذه الليلة المباركة رسالة للشيخ الفاضل عبد الحكيم حسان، شيخ جليل معروف في ساحات الجهاد، وهو من الشيوخ الصادعين بالحق. بإذن الله nous allons voir une lettre qui est du شيخ حفظه الله عبد الحكيم حسان، un شيخ qui est sorti de l'école de l'Azhar en Égypte, qui est parti en Afghanistan. De l'Afghanistan, il est parti au Yémen. Du Yémen, il est revenu à Misr. Il était dans les prisons de Tawarit avec le Cheikh Mohamed al-Zawahiri, le frère de Ayman al-Zawahiri, Havidallah. Donc, c'est une lettre sur la mise en garde contre l'alliance des mécréants. التحذير من معاونة الكافرين، التحذير من معاونة الكافرين، وهي رسالة جلية سينلتر فيها فوائد كثيرة. على أن beaucoup de mérite. Donc j'ai بإذن الله j'ai trouvé important de faire partager et de faire passer le message. Donc le cheikh حفظه الله يجي: الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا الضحوك القتال عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فإن قد شاع في هذا الزمان وعلم القاسي والداني أن أحزاب الكفر من اليهود والنصارى والمرتدين قد اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين، وأشاعوا الكفر والفجور، واحتلوا بلاد المسلمين، ونهبوا ثرواتهم، وأذلوا أمة الإسلام، وعاونهم على ذلك جيش من المرتدين والمنافقين العملاء. Ici le cheikh il dit après qu'il a commencé par Alhamdallah, il a fait des éloges أثناء على الله عز وجل, et il a dit فإن قد شاع في هذا الزمان, il a été répandu dans ce temps-là. Et celui qui est loin et celui qui est proche savent que les groupes de kufr qui font partie des juifs et des nasara et des chrétiens et des mortadines et des apostats, qad ijtama'u ala harbi al-islam wa al-muslim, ils se sont tous rassemblés pour combattre l'islam et les musulmans. Ils se sont rassemblés pour combattre l'islam et les musulmans. وَأَشَاعُوا الْكُفْرَ وَالْفُجُورِ, et ils ont fait répandre la mécréance et la perversité. وَاحْتَلُوا بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ, et ils ont occupé les terres des musulmans. وَنَهَبُوا ثَرَوَاتِهِمْ, et ils ont pris leurs richesses. وَأَذَلُوا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ, et ils ont rabaissé la umma de l'islam. وَعَاوَنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جَيْشٌ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُنَافِقِينَ الْعُمَلَاءِ, et dans cela ils ont eu l'aide. Ils ont eu l'aide de l'armée des hypocrites et des apostats traîtres. Ils ont eu l'aide des soldats, des apostats et des hypocrites et les traîtres des hypocrites. وقد قضى الله تعالى في شرعه وحكمه أن من نصر الكفار على المسلمين وأفشى أسرار المسلمين إليهم وعاونهم على حرب أهل الإسلام أنه كافر حلال الدم والمال، قد برئ من الله وبرئ الله منه. Ici, le cheikh il dit, وقد قضى الله، الله عز وجل a jugé dans son charia, dans sa législation et son jugement, que celui qui aide et qui fait triompher les mécréants contre les musulmans, wa afsha asrar al-muslimin, et fait répandre les secrets des musulmans aux mécréants, wa awanahum ala al-harb, et il les aide à combattre les musulmans, celui-là, annahu kafirun halal ad-dami wal mal, celui-là est mécréant, il est kafir, son sang et ses biens sont licites. Son sang et ses biens sont licites. قد برئ من الله وبرئ الله منه. Allah se désavoue de lui. Et il n'a rien à voir avec la religion. قال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الله عز وجل dans سورة العمران le شيخ il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que les croyants ne prennent pas pour alliés les kuffars au lieu d'aimer des croyants. Que les croyants ne prennent pas pour alliés les kuffars au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah. Laissez mais Allah est fiché. À moins que vous cherchiez à vous protéger d'eux, illa an tattaqu minhum tuqa. À moins que vous cherchiez à vous protéger d'eux, Allah vous met en garde de lui-même. Yuhadhdhirukum Allahu nafsah. Et c'est Allah le retour. Wa ila Allah il masir. Wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل il a dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, ne prenez pas, oh vous qui avez cru, ne prenez pas comme alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns les autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Inna Allah la yahdi al-qawm al-dhalimin. Wa hadha nassun qur'aniyun muhkam bayna Allah ta'ala fih anna man wala al-kuffara min al-yahud wal-nasara wa ghayruhum wa nasarahum ala al-mu'minin fahuwa kafirun mithluhum wa masiruhu masiruhum fi al-dunya wal-akhira. Ensuite le Cheikh dit, wa hadha nassun qur'aniyun, ici on a une preuve tirée du Coran. Allah Azzawajal a démontré dans ce verset que celui qui s'allie aux kuffar, c'est-à-dire les Yahoud, les Juifs et les chrétiens et d'autres groupes de mécréants, wa nasarahum ala al-mu'minin, et il les fait triompher contre les croyants, fa huwa kafirun mithluhum, il est mécréant comme eux, wa masiruhum masiruhum, et son sort, il est comme le leur. Fi dunya wal akhirah, dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ula'ika humudh dhalimun. Donc dans sourate At-Tawbah, Allah Azza wa Jal, il dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance. Même si c'est ton père, même si c'est ton frère. Ici, c'est la foi qui différencie les gens. Et il faut détester en Allah, les koufars, même si c'est tes proches, amis, même si c'est ton père ou ta mère. Tu détestes en Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que tu ne te comportes pas bien envers eux. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو كافر مثلهم. Ici, dans le verset, dans Surat Tawbah, quand Allah Azza wa Jalla dit ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance. Donc, si ces gens-là préfèrent la mécréance à la foi, à l'iman, il ne faut pas les prendre comme alliés. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Et Ibn Abbas, il a dit celui-là, il est mécréant comme eux. Donc si tu prends ton père et tu le fais triompher alors qu'il préfère la mécréance, tu es mécréant. Wa qala ta'ala innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladhina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Wallahu ya'lamu israrahum. Donc, dans Sourate Muhammad, Allah Azza wa Jalla, il a dit, ceux qui sont devenus apostats après que le droit chemin leur a été clairement exposé, à Shaitan, il les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont détesté ce que Allah a fait révéler, nous allons vous obéir dans certaines choses. Nous allons vous obéir dans certaines choses. Ça nous fait confier par des l'âme. Allah, cependant, connaît ce qu'il cache. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah, cependant, connaît ce qu'il cache. فقد بين تعالى أن سبب الردة هؤلاء عن الإسلام وخروجهم عن الدين هو أنهم قالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal a montré que la cause la cause de l'apostasie de ces gens-là et le fait qu'ils aient sorti de l'islam, c'est qu'ils ont dit sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Ils ont dit aux munafiqins, ils ont dit on va vous écouter, on va vous obéir sur certaines choses. C'est-à-dire que sur certaines choses, on va vous obéir. Sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Fa'idha kana man qala dhalika lil kafir ولم يواليهم ولم يعاونهم في حربهم على الإسلام والمسلمين مرتدا فكيف من والاهم ونصرهم على المسلمين ودخل في أحلافهم ونفذ مخططاتهم فهو أولى أن يكون كافرا مرتدا مستحقا للعقوبة في الدنيا والآخرة. Ici, le cheikh a dit, si celui qu'a dit au kuffar, et il s'est pas lié à eux, et il ne les a pas fait triompher, il ne les a pas aidés dans la bataille contre l'islam et les musulmans, si celui-là, il est apostat, qu'est-ce qu'on dirait à ceux qui les ont fait triompher, à ceux qui leur ont porté secours, wa nasarahum ala l'islam, et ils ont fait triompher contre les musulmans, wa dakhala fi ahlafihim, il est rentré dans la coalition, ou un nefada mukhatatatim, et il a appliqué leur tactique. Fahuwa awla. Donc celui-là, il passe avant tout. Fahuwa awla an yakuna kafirin murtaddan. Et c'est lui qui doit être avant tout un kafir, un mécréant, murtaddan, apostat, mustahiqan il'uquba, qui mérite le châtiment fi dunya wal akhira, dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc ces gens-là, ils ont dit quoi? On va vous écouter sur certaines choses. Le cheikh, il dit, si celui-là, si une personne dit, juste, on va vous écouter et vous obéir sur certaines choses. Il dit, qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui sont rentrés dans le jeu, qui sont rentrés, ils ont aidé les koufars, ils les ont secourus, ils les ont aidés par tous les moyens d'aide contre les musulmans et pour anéantir et démolir et détruire l'islam, qu'est-ce qu'on dirait d'eux? Est-ce qu'ils passent pas avant? Est-ce qu'ils sont pas apostats? Est-ce qu'ils ne sont pas mécréants? La réponse est oui. La réponse est claire. وقد بين الله تعالى أن من نصر الكفار فهو من إخوانهم وليس من المسلمين في شيء. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Dans ce verset, dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: n'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs frères qui ont mécru parmi les gens du livre: si vous êtes chassés, nous partirons avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourons, nous combattrons. Et si vous êtes combattus, on vous fera triompher. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Et Allah atteste comme quoi c'est des menteurs. Et comme quoi ces gens-là, c'est des menteurs. فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ جَلِيٌّ بِأَنَّ وَعْدَ الْمُشْرِكِينَ فِي السِّرِّ بِالدُّخُولِ مَعَهُمْ فِي أَحْلَافِهِمْ وَنَصْرِهِمْ وَالْخُرُوجِ مَعَهُمْ نِفَاقًا وَكُفْرًا فكيف بمن نصرهم فعلا وصار من جملتهم لا شك أنه من إخوانهم في الكفر. Ici le cheikh dit, ففي هذه الآية, dans ce verset il y a quelque chose de clair et il y a une preuve claire comme le jour. بيان جلي بأن comme quoi le fait et cette promesse qui a été faite en cachette aux mouchriquin, comme quoi ils vont être leurs alliés et qu'ils vont les aider s'ils sortent combattre. Si Allah a appelé cela hypocrisie et kofr, qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui ont vraiment fait cela? Qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui ont vraiment qui ont secouru, qui ont donné cette aide aux kuffar et qui sont rentrés dans les rangs des kuffar pour combattre les musulmans, qu'est-ce qu'on dirait d'eux? Leur cas est pire. La shakka annahum min ikhwanihim, ils sont leurs frères dans la mécréance. Ils sont leurs frères dans la mécréance. Wa qala ta'ala sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan dhalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je vais jeter la terreur dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. C'est parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Allah est certainement dur en punition. Allah est certainement dur en punition. فقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة العلة والسبب في إباحة ضرب الأعناق هؤلاء الكفار. Donc ici Allah Azza wa Jal a montré la cause dans ce noble verset. Il a montré la cause, العلة والسبب, la cause في إباحة ضرب أعناق هؤلاء الكفار, sur le fait que taper les coups des mécréants illicite. Et il a montré le pourquoi on va taper les coups des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ceci parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. وَالْمُشَاقَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فِي شِقٍ مُنَاوِئٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. وَالْمُشَاقَةَ, donc ce mot de مُشَاقَةَ, c'est que la personne est de l'autre côté et c'est que la personne est d'un côté et Allah et son messager et les croyants sont de l'autre, sont dans un autre camp. هذه هي المشاقة, c'est-à-dire aller à l'encontre d'Allah, de son messager et des croyants. وفي هذا دلالة واضحة وصريحة على أن من انحاز إلى صف الكفار أو المشركين وكان مع المشاقين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ونصرهم على المسلمين، أنه يكون من جملة الذين كفروا وممن أباح الله للمؤمنين ضرب أعناقهم وتوعدهم بالخلود في النار وبالخزي العظيم. Ensuite, le cheikh il dit, وفي هذا دلالة واضحة. Et dans ceci, il y a une preuve claire, وصريحة, explicite, على أن من انحاز إلى صف الكفار أو المشركين, que celui qui rentre dans les rangs des mécréants, des infidèles, وكان مع المشاقين, et il est d'un côté, et qui va à l'encontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et des croyants, et il les fait triompher les kuffars contre les musulmans, celui-là, annahu yakunu min jumlati alladhina kafaru. Il fait partie de ceux qui ont mécru. Il fait partie de ceux qui ont mécru. Wa mimman abaha Allahu lil mu'minina darba anaqin. Et Allah Azza wa Jal, il a rendu licite aux croyants de frapper son cou. Wa tawa'adahum bil khuludi fi an-nar. Et il leur a préparé et il leur a promis l'éternité dans l'enfer, wa bil khizyi al-'azim, et une part, une grande humiliation. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله سبحانه وتعالى il a dit, oh vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe de ceux à qui on a donné le livre, ils vous rendront, après que vous soyez croyants, des mécréants. Ils vous rendront, après que vous soyez des croyants, ils vous rendront mécréants. Dans Surat Al-Imran, فَمَنْ أَطَاعَ الْكُفَّارَ فِي حَرْبِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Donc celui qui obéit aux mécréants pour combattre les musulmans, il est mécréant à la preuve de ce verset. بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. À la preuve de plusieurs versets qu'on a dans le Coran. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans notre verset, et celui d'entre vous qui les prend pour rallier, il fait partie d'eux. Il fait partie d'eux. Et l'un d'eux. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وقد أمر الله تعالى باعتزال الكفار وبين سبحانه أن من كان معهم وعاونهم على كفرهم فهو مثلهم وحكمه حكمهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset, et dans le livre, il vous a été révélé ceci, lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah, et qu'on se moque de versets d'Allah, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre discussion, une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Innakum idan mithluhum. Sinon, vous serez comme eux. C'est-à-dire mécréants. Allah rassemblera les... Inna Allah jami'u al-munafiqin wal-kafirin fi jahannam jami'a. Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants et les kuffars tous en enfer. Wal-iyadu billah. وقد برئ النبي عليه الصلاة والسلام من كل من كان مع المشركين فقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهذا في من كان مقيما بين أظهرهم فقط فكيف بمن عاونهم على حرب المسلمين وصار عينا لهم. البخفت عليه الصلاة والسلام il dit dans un hadith, je me désavoue ou je suis innocent par rapport aux musulmans qui vivent parmi les mécréants, parmi les mouchriquins. Donc, dans ce hadith, le prophète alayhi salam, il se désavoue d'une personne qui vit avec les mouchriquins. Juste. Donc, juste, une personne qui, le prophète il se désavoue d'une personne qui vit simplement avec les mouchriquines. Qu'est-ce qu'on dirait de celui qui les aide? Regardez, masha'Allah. Regardez comme le cheikh, regardez ce qu'il a sorti du hadith. Qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui les aident et qui les font triompher et qui les secourent, hein, et qui pour combattre les musulmans, hein, la réponse, il fait partie d'eux. Il fait partie d'eux. وَنَحْنُ نُحَذِّرُ كُلَّ مَنْ تَسَوَّلَ كُلُّ مَنْ تَسَوَّلَ لَهُ نَفْسُهُ بالتعاون مع الكفار المحتلين لبلاد المسلمين من الأمريكان وغيرهم. Et nous, on met en garde contre celui qui a l'intention et qui est poussé par sa passion pour aider les kuffars qui ont pris les terres des musulmans parmi les Américains et autres qui ont occupé les terres musulmanes. Parmi les Américains et autres, que la main des Moujahidines va l'atteindre là où il est, que la main des Moujahidines va arriver jusqu'à lui. Inch'Allah, wa anna jaza'uhu huwa wa asyaduhu min al-Américain wa ghayrihim huwa darbu al-riqab. Et que ce qui mérite, lui et ses maîtres et ses dirigeants, qui sont les Américains et autres, c'est ce qu'ils méritent, c'est quoi? C'est frapper leur coup. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Si vous rencontrez ceux qui ont mécru, tapez les coups. Dans Surat Muhammad. وَنَحْنُ نَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ. Et nous, on les invite à faire la tawbah, à faire le repentir et à se repentir قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ, avant que ça soit trop tard. وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Celui qui se repent, Allah acceptera son repentir. وَنَجَى بِنَفْسِهِ. Et il sera sauvé. وَقَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْظَرَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نلتقي في درس قادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. دونك خلاصة. Un résumé, on a vu plusieurs versets, le cheikh l'a montré plusieurs versets, que celui qui prend les koufars et qu'il les fait triompher contre les musulmans et qu'il les prend comme alliés, il en fait partie. On a vu plusieurs versets dans Surat Tauba, dans Surat Nisa, dans Surat Al-Imran, dans Surat Muhammad, dans Surat Al-Hashr, dans plusieurs versets que le cheikh a cités. Et si le prophète se désavoue d'une personne qui vit parmi, d'un musulman qui vit parmi les mouchriquines, qu'est-ce qu'on dirait d'un musulman qui combat les musulmans, qui se met dans les rangs des mouchriquines et qui combat les musulmans? Est-ce que celui-là ne passe pas avant? Est-ce que celui-là n'est pas digne que le prophète se désavoue de lui? Allah salam wa l'afir. نلتقي في درس قادم بإذن الله. أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.